Bonjour à vous tous, nous sommes le 19 octobre 2018. Voici les grands titres de cette édition. Le député Pierre-Célestin Dikoumana, président du groupe parlementaire Amizero Yabarundi, rejette les accusations portées contre lui par le commissaire Pierre Mourikiye. Il est porte-parole du ministère de la Sécurité publique et ce sont des accusations comme quoi Pierre-Célestin Dikoumana serait en train de comploter contre les institutions de la République, à commencer par le président de la République lui-même. Et le parti Sawanya Frodebo s'est retiré de la plateforme des opposants politiques Sénared en vue de reconstituer un front démocratique fort au sein de cette formation politique. Et près de 1000 entreprises ont été immatriculées durant le premier trimestre budgétaire 2018-2019 et pourront engendrer la création de près de 6000 emplois. Et c'est grâce à la diminution sensible des frais d'immatriculation qui sont passés de 140 000 francs burundais à 40 000 francs bou seulement. Et dans la chronique environnement, un expert en biodiversité nous fera remarquer que les hippopotames sont en voie de disparition au Burundi à cause de la prolifération des constructions sur le littoral du lac Tanganyika. Et il propose qu'on les déplace vers le delta de la Rusizi pour les protéger. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique accuse le président du groupe parlementaire des députés Amizero Yabarundi d'avoir un plan d'élimination physique de certains responsables du pays, dont le président de la République et ses deux adjoints. Pierre Mourikiye indique que l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana est en train de comploter, planifier ses assassinats en collaboration avec certains domestiques. Suivez Pierre Mourikiye, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Il précise sur ce papier les personnes qui inquiètent cette formation politique et qui devraient donc être éliminées. Et il parle d'un certain Pita, c'est son excellence le président de la République. Et il parle d'un certain Gassito, c'est écrit en Kirundi, il s'agit de son excellence le vice-président de la République. Et il parle également de Votore, qui est son excellence le deuxième vice-président de la République. Il parle d'un certain Joke et d'un certain Nyabenda que vous connaissez. À haut dignitaire de ce pays. Et il me cite même, moi-même, Pierre Mourikiye, comme des personnes qui dérangent trop cette formation politique. Et puis, ils avaient même planifié l'élimination de ces garçons de ménage une fois qu'ils auraient exécuté ce crime. Ils précisaient même les endroits où les gens allaient trouver les cadavres parce qu'ils habitent à Mouranzia. On précise qu'on devrait retrouver son cadavre dans la vallée de la rivière Mubaradi. Et puis, ils précisaient que l'autre, parce qu'il habite à Yves d'Ongozi, son cadavre allait être retrouvé à Rukecho. Donc, ces quatre garçons de ménage donc, allaient être assassinés par un autre groupe de criminels qui est toujours commandé et dirigé par cet honorable-là. Un autre élément très important qui sort de l'enquête à l'heure actuelle, c'est que même un jour après la tentative d'assassinat de ces honorables, cet honorable continue à adresser, à envoyer des messages à ce criminel sur son téléphone portable parce qu'il ne savait pas qu'il avait été appréhendé par la police. Et ces messages ont été bien lus par les services qui étaient entrés. De mener l'enquête. Voilà, ce sont les précisions. La conclusion, elle est claire et simple, c'est qu'il y a déjà qui, pour des fins politiques, veulent passer par la violence à tout prix et par ces assassinats de leurs adversaires politiques. L'enquête va se poursuivre et toute personne qui est impliquée dans ces actes macabres, eh bien, elle va être traduite, elle va être comptable de ces faits devant la justice. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, ses domestiques ont été arrêtés après une tentative d'assassinat de l'honorable Justine Niyongabo et son époux Hilaire Naomvuki. Et le président du groupe parlementaire de la coalition Amizero Yabarundi, Pierre-Célestin Dikoumana, réagit et rejette ces accusations. Cet élu du peuple dit être étonné par le fait que le porte-parole du ministère de la Sécurité publique porte sur lui la planification de l'assassinat des institutions publiques, dont le président de la République, et cela en collaboration avec des travailleurs de maison. Il demande à Pierre Mourikiye d'arrêter ce qu'il appelle harcèlement politique. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Elie Nibel Nibigira. Ce que j'en sais, c'est que c'est un montage. C'est d'abord faux et archi-faux. Ce sont des propos mensongers qui visent à ternir mon image et à me faire taire, probablement. Pratiquement, je n'ai aucun problème avec ce couple de députés dont on parle. Je ne suis pas criminel comme le prétend Mourikiye. C'est malheureux quand même parce que c'est un comportement détourné au regard de sa mission. Et c'est certainement pour des mobiles politiques. Ce n'est même pas la première fois. Dernièrement, comme vous le savez, il avait accusé un certain Terrance, un député de notre coalition Amizero Yabarundi, d'avoir organisé une rébellion à Gitega. c'est vraiment triste. Le ridicule ne tue pas. C'est vraiment une honte pour le pays. Et imaginez-vous quelqu'un qui peut affirmer que je sois capable d'organiser un coup d'État sanglant contre le président de la République, ses vice-présidents, le président de l'Assemblée nationale, à l'aide de trois travailleurs de maison. Ça, c'est même une injure pour le pays. C'est une honte qui passe au degré extrême. Honorable, la police parle d'échange de messages entre votre ex-groom sur le téléphone qui était confisqué par la police et c'était à votre insu. Ces messages dont on parle, j'ai envoyé un seul message. Il n'y a pas eu échange de messages. J'ai envoyé un message exprès et j'étais bel et bien informé qu'il était avec l'équipe des agents du CNR et je savais bel et bien qu'ils étaient en train de raffiner son montage. Si vous vous rappelez bien, l'information a filtré depuis jeudi. Il y a même des tweets qui parlaient de ça, qui parlaient même de la journée d'hier. Parce que dans ce tweet-là, on disait qu'on projetait et exposait ces criminels supposés. Ce qui a été fait, ce qui a été vérifié. Mais toutefois, la morale m'a poussé quand même à aller écrire que les montages ne servent à rien. C'est ça que j'ai écrit. Qu'il vous montre son message. C'est un seul message. Qu'il devait plutôt se convertir pour le Christ et abandonner le mal. C'est vraiment la morale chrétienne qui m'a poussé à leur écrire ça. Et je suis fier de son message. Honorable, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous demandez? Ce que je demande, c'est d'abord la prise de conscience de ce porte-parole. C'est d'abord à l'endroit de ce même porte-parole qu'il se ressaisisse quand même. Et je dois lui dire que je n'ai pas peur parce que mon cœur est plein de joie parce que je milite pour le bien et pour la vérité. Voilà, c'était le député Pierre-Célestin Ndikoumana, président du groupe parlementaire de la coalition Amizero Yabarundi. Et le parti Sawanya Frodebou s'est retiré de la plateforme des opposants Sénared depuis ce jeudi. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, ce parti constate que le processus de dialogue conduit par la communauté est-africaine est paralysé. Pour ce parti, ce processus engagé depuis 2015 se heurte à des obstacles majeurs et provenant de tous les acteurs. Le parti Sawanya Frodebou aimerait donc reconstituer un front démocratique fort en son sein et en appelle dans le même communiqué à manifester leur respect envers la mémoire du héros national de la démocratie, le président Melchior Ndadaye, en mettant en œuvre ses idéaux, dont l'acceptation sans réserve du dialogue entre tous les fils et filles de la nation. Et c'est au moment où ce sera célébré ce 21 octobre, le 25e anniversaire de l'assassinat du président Ndadaye. Et 998 entreprises ont été immatriculées durant le premier trimestre de l'année budgétaire 2018-2019, alors que 842 ont été immatriculées en 2017. C'est ce qu'a dit ce vendredi le directeur général de l'Agence burundaise de promotion des investissements, API. Léonard Senhoré a en outre précisé que 5902 emplois pourront être créés. Cette augmentation d'entreprises immatriculées est due au fait que la redevance pour toute société à immatriculer a été sensiblement revue à la baisse, passant de 140 000 francs burundais à 40 000 francs bruxellois seulement, a tenu à préciser le directeur général de l'API. Selon lui, le service appui et assistance aux investisseurs a traité dans les délais toutes les demandes d'éligibilité aux avantages du code des investissements. Deux certificats de ce genre ont été octroyés, le capital prévisionnel de ces deux projets étant de 4 milliards, de plus de 4 milliards de francs burundais, avec une projection de 97 emplois à créer. Établir une journée entière dédiée à l'Institut des statistiques appliquées à l'Université du Burundi et la célébration de la 26e journée africaine de statistiques, telles sont parmi les activités qui seront à l'ordre du jour dans la célébration du 7e mois dédié à la statistique appliquée au Burundi du 20 octobre au 20 novembre. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Institut de la statistique et des études économiques au Burundi, ISTEBU, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi. Suivez. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le mois de la statistique au Burundi s'étale du 20 octobre au 20 novembre de chaque année. Il s'agit des mois de plaidoyer et de visibilité en matière statistique sur une thématique précise et actuelle. Le 7e mois de la statistique au Burundi sera célébré sous le thème des statistiques officielles de haute qualité pour impulser la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi de ses stratégies sectorielles. Le menu proposé pour ce mois sera garni et multicolore avec plus d'une dizaine d'activités. 4 ateliers régionaux de dissémination des résultats de la 3e enquête démographique et de santé de 2016-2017 et de l'enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la mortalité au Burundi de 2018. Plus spécial, une journée entière dédiée à l'Institut des statistiques appliquées, ISTA, de l'Université du Burundi, qui ouvre ses portes avant la fin de cette année 2018, sera organisée pour montrer sa valeur ajoutée dans la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi et de ses stratégies sectorielles. Et les citadins qui boivent gratuitement de l'eau du robinet public situé devant l'hôtel Rutegama Jazz, 6 à l'avenue de l'université dans la zone Mwiza, dans la capitale Bujumbura, saluent cette initiative du propriétaire de cet hôtel. Ses habitants disent qu'en plus de cette eau froide, gratuite, il y a le Wi-Fi pour se connecter sur Internet et les prises où les gens peuvent charger leur téléphone. Selon ses habitants, c'est une preuve qu'il y a encore des âmes charitables. C'est un reportage de Richard Kubgarugil. Arrivé devant cet hôtel, Rutegama Jazz, 6 à l'avenue de l'université, nous sommes dans la zone urbaine Bwiza, en mairie de Bujumbura. Les gens viennent les unes après les autres pour boire et puiser de l'eau dans un robinet public construit devant cet hôtel. Les habitants et les personnes qui consomment cette eau saluent l'œuvre et l'initiative du propriétaire de cet hôtel qui a mis à leur disposition et gratuitement ce robinet. Les habitants bénéficiaires de cette œuvre disent que ça serait mieux que des personnes pareilles soient nombreuses. Vraiment, cette personne a pris une belle initiative. S'il y aurait d'autres personnes pareilles, les choses se seraient améliorées davantage. Il a même construit là où on peut s'asseoir. Les pèlerins fatigués peuvent s'y reposer avant de continuer leur chemin. Aussi, quand on a un chargeur, on peut charger son téléphone. Vraiment, nous saluons ces initiatives. Si de telles personnes pouvaient être nombreuses, nous serions contents, nous les simples citoyens. Vraiment, c'est bien. L'autre à qui on a tendu le micro dit que c'est une preuve qu'il y a encore des hommes charitables et trouve que c'est une très belle initiative. En tant que simples citoyens, nous apprécions vraiment cette initiative. Ça nous redonne de l'espoir qu'il y a encore des personnes qui ont de la compassion. Par exemple, maintenant, je viens d'Oburinga à la recherche du lait. J'arrive ici à Bwiza, fatigué et assoiffé. Puisque j'en retrouve à ce bel endroit, je me tranche la soif et puis je continue mon chemin étant en bonne forme. Vraiment, celui-ci est un homme bienveillant. Même là-bas, dans ce coin, il y a des prises qui peuvent aider à la recharge des téléphones portables. Donc, c'est une bonne initiative. Le propriétaire de l'hôtel Rutegama Jazz nous a dit qu'il l'a fait dans l'optique de pouvoir venir en aide les gens qui ne sont pas en mesure d'avoir cette eau froide chez eux. À la source, reportage. Partons maintenant en province Cibitoke. C'est pour vous dire que le programme de cantine scolaire endogène est une stratégie de prévention des abandons scolaires qui encourage de plus les écoliers à bien suivre en classe. C'est ce que confirme Silas Nsabimana. Il est responsable de l'école fondamentale Chuzwe dans la zone Kiramira, en commune Rugombo, dans la province Cibitoke, l'une des écoles qui sont soutenues par le programme alimentaire mondial dans la tenue des cantines scolaires. Silas Nsabimana fait savoir que la cantine scolaire dans cette école dont il est responsable, a considérablement augmenté le taux de réussite. C'est un reportage de Didier Niyonzima qui a été là pour nous. L'école fondamentale Chuzwe se trouve sur la colline Kiramira, dans la zone Kiramira, en commune Rugombo, dans la province de Cibitoke. Ces écoliers viennent de terminer leur déjeuner. Ils disent que le repas qu'on leur donne à l'école leur fournit le courage de suivre en classe. Ça m'aide quand je rentre chez moi en étant rassasié et je ne dérange personne à la maison. Ainsi, je suis bien en classe. On me donne à manger au moment où j'ai faim et par conséquent, Je suis bien les cours. Des fois, je me demande comment je peux aller étudier sans avoir mangé. Mais comme je sais qu'actuellement, je mange à l'école, ça me donne la force d'étudier. Joséphine Nyokwizera est l'un des parents des écoliers de l'Ekofo Tchouzgwe. Elle dit que les parents sont satisfaits par ce programme de cantine scolaire. Nous sommes satisfaits car c'est un beau programme qui nourrit nos enfants à l'école et quand ils arrivent à la maison, ils nous facilitent la tâche au moment où nous sommes en train de dominer nos activités champêtres. Silas Sabimana, il est responsable de cette école. Il affirme que le programme de cantine scolaire a considérablement augmenté le taux de réussite dans l'Ekofo Tchouzgwe. Le programme de la cantine scolaire endogène a commencé en 2013, au mois de mars. La cantine scolaire endogène a beaucoup de choses à notre école de l'Ekofo Tchouzgwe. L'effectif d'abandon a diminué, le taux d'absence a diminué et même la réussite a augmenté d'une façon suffisante à cause de ces vivres que PAM nous donne. Avant que le programme de la cantine scolaire n'a pas encore commencé, le taux de réussite était à 59% à 60%. Mais aujourd'hui, le taux de réussite est de 78% à 80%. Serigne Mbaklom, chef de programme des cantines scolaires endogènes au sein du programme alimentaire mondial au Burundi, il explique qu'en plus des écoliers qui bénéficient de ce programme, la communauté est aussi bénéficiaire car les rations qui sont données dans les cantines scolaires sont constituées par les récoltes des coopératives locales qui vendent ces récoltes au PAM. Le PAM travaille en étroite collaboration avec les coopératives pour renforcer leurs capacités dans deux domaines. Premièrement, dans le domaine de l'augmentation de leur productivité, mais aussi pour augmenter leurs revenus. Ce qui fait qu'il y a un avantage pour ces coopératives-là. Et ensuite, il y a un avantage pour les élèves qui auront l'opportunité de bénéficier d'un repas au niveau de l'école. Le PAM a pour intention la formation et l'appui aux coopératives. Pour le moment, il y a à peu près 600 000 enfants qui bénéficient du programme de cantine scolaire sur 700 écoles. Notre objectif d'ici 2020, c'est d'améliorer la couverture jusqu'à 700 000 élèves couverts par le programme. Le coût de ce programme d'alimentation scolaire est estimé à 36 $ américains par enfant et par année. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je l'avais annoncé dans les titres, les hippopotames sont parmi les espèces animales aquatiques en voie de disparition au Burundi. Un expert en biodiversité explique avec la prolifération des constructions au bord du lac Tanganyika qui ne respectent pas la limite de la zone tampon des 150 mètres, ces animaux aquatiques manquent d'endroits où brouter de l'herbe. Le professeur Gaspard Nakimazi propose le déplacement de ces hippopotames dans un autre milieu de vie comme par exemple dans le delta de la Rusizi. Christelle Nizigama. Tous les animaux ont besoin de vivre dans un endroit où leur habitat est respecté. Comme tous les animaux qui ont disparu depuis ces 50 dernières années dans la plaine de Limbo, l'expert en biodiversité professeur Nakimas Gaspar explique que les hippopotames sont menacés à cause des constructions anarchiques le long du lac Tanganyika. Les hippopotames, ils ont donc besoin d'un milieu aquatique. Ils peuvent passer le jour dans l'eau, la nuit ils sortent pour aller brouter. Il faut les deux milieux là. Comme l'habitat est en train de disparaître, tout le monde sait que maintenant, les endroits où on est maintenant en train de tracer les routes, de construire les maisons, d'aménager ce qu'on des plages, c'était leur ancien habitat. Ça ne peut plus être favorable à leur vie. Il y a même des gens qui leur tendent des pièges, qui creusent des trous et de suite, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en même temps avec la population. Ce professeur dit que dans les années 1980, les hippopotames se comptaient autour de 100 sur le littoral du lac Tanganyika, tout près de la ville de Bujumbura, alors qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'études récentes, ces animaux ont diminué. Dans les années 80, nous avions fait les inventaires, là. C'était entre 50 et 100. Les déjections des hippopotames constitue une nourriture pour les poissons. Là où il y a des hippopotames, il y a beaucoup de poissons, raison pour laquelle ces animaux doivent être protégés. Un endroit dans le lac ou dans l'eau où se trouve l'hippopotame, là, cette déjection, c'est une nourriture de haute qualité pour beaucoup d'animaux aquatiques, y compris les poissons et beaucoup d'invertébrés, et de suite. C'est pourquoi un endroit où il y a beaucoup d'hippopotames, il y a beaucoup de poissons parce qu'il y a de la nourriture. Autre besoin, effectivement, ça attire les touristes, alors à condition qu'on aménage les emplacements où se trouvent pour que les touristes puissent y aller. Professeur Nakimas Gaspard propose que ces animaux aquatiques soient conduits au delta de la Lucizi, là où ils seront protégés. La solution, au moins pour les hippopotames, comme ils ont au moins la chance d'être encore prolifiques, ils peuvent se reproduire assez vite et retrouver leur population. À mon avis, ceux qui sont encore à dehors du parc, ils ont très peu de chances de survie pour plus de 10-20 ans. Là. Un hippopotame, il peut donner peut-être un petit tous les 3-4 ans. Heureusement, on a la chance que pas loin d'Objumbura, il y a un parc national qui a été aménagé donc déjà dans les années 80-90. C'est la partie delta des Adarosizi. Il y a une bonne place là où ils peuvent vivre. Il y a de l'herbe à condition, évidemment. Au même temps, si c'est un parc, là, on voit toujours des gens qui entrent dedans, qui vont couper la végétation, qui vont pêcher, et ainsi de suite. On ne devait pas, en fait, les endroits où ils sont, on ne devait pas y aller, tout simplement. Ceux qui débordent, ceux qui dépassent, là, il faudrait donc les aider tout doucement, là, pour les déplacer tout doucement vers le parc de la Rusizi, là. Qui va le faire? Bon, l'Office burundais pour la protection de l'environnement, là. Dans le lac Tanganyika, il y a différentes espèces d'animaux aquatiques, plus de 2000. Parmi eux, il y a des poissons, des crapauds, des tortues, des crocodiles et des serpents aquatiques. Merci Christian Nizigama, c'est sur cette chronique environnement que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco, Douimana, un bon après-midi.